bibie mwana shaba est-ce que yeba rake etale na yowana batuba lele yango mabe dalida madadou bedos congo buda buda petito colo de bolikango ngayo ponga yo yo yo ngayo ponga yo yo yo kala kine zalaka boyete pekoli ngai zalaka suka ni ndondo liboso pete ya fiansa ya e komita mwa ba cheri jete Makana bea bosoi balingani e Chuchu mwanga Henri Magi oyebi sariva menga na lobaka na koyemba na papa ngayo ponga yo yo yo mama ngayo ponga yo yo yo kala kineza la kaboyete Na ni fa balingani e na kuplango. J'en sais qu'il nous dit c'est bokai. Wa bichar le kabuya ko. Oh yo kasiono. Je fou la mambo. Oh koka. Kassel bokasa. Y'a pas d'assurance na bolingo. Mon achaba Moto bo pesa ni vite malelo Pe bo pesa ni ba bisou Baby na lobi a changé na e A komi na mon sou A ningi si makila Yo te li miso e O komi janti amou Bona ni bibi teo Mon achaba Taka ludo mounango Chami koko pae Na leli na kambiri Jose mufundu Asi fokonde Chaco Kuburite Aïe aïe aïe aïe aïe aïe La guiche à rouf à la référence Boulevard des Sars Et l'opo combo l'amour Et baby sa kanga inzo Et si li sa kanga y passe à ma kili vraiment Ngay na kola sani sani partout Amour Ma se si le banjo est L'archevêque de la SAP, M. Logobo, Simon Mandela, mon frère. Baba, dans Sanjili Yota Shadari, José Kumbu